Chapitre 13. Ikuteruka, à la seconde suivante, se trouva la tête en bas. Sa caisse fut agitée d'une sorte de roulis irrégulier. Il devina vaguement qu'on le transportait à Dodom. Après quelques secondes, le grand détective ressentit une douleur intolérable à la tête où son sang affluait. Cependant, ses bourreaux l'avaient si bien calé dans sa caisse que son corps ne bougea pas malgré les secousses. Par bonheur, Ikuteruka sentit bientôt qu'on redressait sa prison ambulante. Une brusque secousse le fit sursauter. La caisse venait d'être déposée. À partir de ce moment, elle ne bougea plus. Ikuteruka, qui avait maintenant la tête dans une position normale, c'est-à-dire plus haut que le corps, respira. Mais ses pieds, meurtris par les coups de bambou, le faisaient horriblement souffrir, malgré l'onguent dont ils avaient été enduits. Ce qui n'empêcha pas Ikuteruka de conserver tout son courage. Ce fut en vain qu'il essaya de deviner ce qu'on faisait de lui. Sa caisse, maintenant, ne bougeait plus, et il n'entendait aucun bruit. Combien d'heures s'écoulèrent ainsi? Mystère. Ikuteruka éprouvait une soif ardente, et aussi une lassitude générale de tous ses membres. Son immobilité prolongée lui causait d'intolérables crampes. Mais il avait été calé avec tant de soin par les Chinois qu'il ne pouvait faire le moindre mouvement malgré tous ses efforts, d'autant plus que ses chevilles étaient ligotées et que ses poignets étaient réunis étroitement derrière son dos. Enfin, il entendit des heurts, non loin de lui. Il sentit avec joie qu'on basculait sa caisse et qu'on la hissait, puis qu'on la plaçait sur un plancher qui résonna sous le choc. Des secousses légères et régulières lui firent penser qu'on avait chargé sa caisse dans une voiture. Peu après, il se sentit basculer de nouveau et déposé sur un nouveau plancher. Les heures passèrent. Ikuteruka, qui suait abondamment au milieu des coussins qui le calaient, éprouvait une soif de plus en plus ardente. Sa langue durcie, racornie, pouvait à peine bouger dans sa bouche desséchée. Soudain, il lui sembla entendre le son d'un sifflet, puis presque aussitôt, il ressentit une légère secousse et perçut un faible ronflement sous lui. Il comprit où il était, dans un wagon de chemin de fer. Le sifflement était celui de la locomotive. Il fallait qu'il fût puissant pour que le prisonnier eût pu l'entendre malgré l'épaisseur des parois de sa caisse et des coussins qui le calaient. Et le ronflement qu'il percevait, c'était celui des roues du wagon. Il était en route pour l'intérieur de la Chine où l'attendaient les horribles supplices promis par le maître sans nom. Pris de désespoir à cette idée, Ikuteruka tenta, une fois de plus, de faire glisser ses liens. Il réussit simplement à les enfoncer dans sa chair meurtrie. Le train, cependant, filait. Ikuteruka le sentait tressauter sur les éclisses. Une brusque secousse le projeta soudain en avant contre les coussins qui l'entouraient. Le train venait de s'arrêter. Ikuteruka ressentit une vive douleur dans le dos, comme une piqûre. Il se contorsionna et finit par comprendre que son dos avait heurté un clou dont la pointe dépassait dans l'intérieur de la caisse et avait fini par percer les coussins. Ikuteruka eut un tressaillement de joie. La pointe du clou n'était qu'à quelques centimètres de ses poignets. Il se tordit sur lui-même, et après de longs et pénibles efforts, réussit à approcher ses poignets de la pointe de fer. Patiemment, il usa les cordelettes qui le garrottaient en les frottant contre la bienheureuse pointe. Les secousses du train faisaient qu'il s'égratignait la chair à chaque instant, mais il ne sentait pas la douleur, tout à son idée de se libérer. Enfin, après de longues heures de travail et de souffrance, il eut usé le dernier toron de la cordelette. Ses mains furent libres. À grand-peine, tant il était serré au milieu des coussins, il parvint à ramener ses bras en avant. Il atteignit ses chevilles et les délia. Puis, doucement, sans se lasser, patiemment, il entreprit de déplacer les coussins qui l'enserraient. Ce fut une besogne ardue et pénible, mais il en vint à bout. Alors, réunissant ce qui lui restait de force, Ikuteruka s'arc-bouta sur lui-même, les pieds appuyés contre un des côtés de la caisse et le dos contre la paroi correspondante, et tenta d'enfoncer, de dedans en dehors, une des faces de sa prison. Plusieurs tentatives furent vaines, mais au moment où le grand détective, épuisé et haletant, allait abandonner tout espoir, une des planches, plus faible que les autres, craqua brusquement et s'ouvrit en deux. Les pieds d'Ikuteruka jaillirent au dehors par la brèche et allèrent heurter les parois d'une caisse voisine. Ikoteruka, fou de joie, n'eut pas de peine à agrandir le passage. 5 secondes plus tard, il fut hors de sa caisse et s'aperçut qu'il était dans un wagon de marchandises à moitié plein et où régnait l'obscurité.